إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن من خلق المسلم حب الخير لإخوانه المسلمين، لذا تراه يسعى في الإصلاح بينهم والتوفيق فيما بينهم وتضييق هوة النزاع والاختلاف، يمليه عليه إيمانه الحقيقي الذي يدعوه لأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. فالإصلاح بين المسلمين خلق كريم يسعى فيه ذو التقى والمروءة الذين يحبون الخير ويصبرون على فعل الخير ويتقربون بذلك لربهم. ولقد أمرنا الله عز وجل بأن نصلح بين إخواننا، قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأمرنا ربنا أن نصلح ذات بيننا وأن نوفق بين إخواننا ما وجدنا لذلك سبيلا. ولا يخلو المجتمع المسلم من اختلاف في وجهة النظر، سواء كان هذا الاختلاف بين الأفراد كنزاع بين رجل وأبيه، وبينه وبين أخيه، وبينه وبين جاره، وبينه وبين زوجته، وبينه وبين شريكه، وبينه وبين أي فرد من أفراد الأمة المسلمة، أو كان هذا الاختلاف بين جماعة المسلمين عموما. فموقف المسلم من هذا الاختلاف العام والخاص أنه يسعى في الإصلاح ويسعى في التوفيق ما وجد لذلك سبيلا، فيصلح بين الأفراد إن استطاع وبين الجماعة إن قدر على ذلك. المهم أنه يؤدي واجبه وأن يقوم بهذه المسؤولية امتثالا لقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Chers musulmans et musulmanes, sachez que fait partie des comportements recommandés dont se doit d'être doté le musulman et la musulmane le fait d'aimer le bien pour ses frères et sœurs musulmans. Ainsi, tu vois ce musulman doté de ce noble caractère qui fait en sorte de réconcilier entre les musulmans, qui fait en sorte que les musulmans s'entendent les uns les autres. Il fait en sorte que la divergence sur certains avis, que l'étendue de la divergence sur certains avis se rétrécisse. Et ce qui mène, et ce qui amène ce musulman à agir ainsi, à vouloir réconcilier entre les musulmans, c'est sa foi qui l'amène à aimer pour ses frères et sœurs musulmans ce qu'il aime pour lui-même, ce qui l'amène également à détester pour ses frères et sœurs musulmans ce qu'il déteste pour lui-même. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de réconcilier entre les musulmans est un noble caractère et c'est une qualité fortement louable, une qualité que détiennent les personnes dotées de piété, des personnes qui aiment le bien, des personnes qui patientent dans ce bien et des personnes qui, à travers cela, recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah azza wa jal nous ordonne tous de réconcilier entre nos frères. Il dit subhanahu wa ta'ala, craignez Allah et réconciliez-vous entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Allah azza wa jal nous ordonne dans ce verset de réconcilier et de se réconcilier entre nous et de faire en sorte que nos frères et sœurs s'entendent les uns les autres et nous devons agir dans cela autant que possible. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il n'y a pas une société musulmane dans laquelle la divergence dans certains avis n'existe pas, que cette divergence ait lieu entre des personnes, des individus, des divergences qui ont lieu entre un homme et son père, entre un homme et son frère, entre un homme et son voisin, entre un homme et son épouse, entre un homme et son associé, entre un homme et toute autre personne faisant partie de la communauté musulmane. Et il est possible que cette divergence soit à grande échelle et que ce soit des groupes de musulmans qui sont divergents les uns les autres. La position du musulman face à cela, face à cette divergence précise et cette divergence générale, est de faire en sorte de réconcilier entre les musulmans et de faire en sorte qu'ils s'entendent et qu'il y ait une bonne entente entre eux autant que cela soit possible. L'important est que le musulman dans cela prenne ses responsabilités et agisse conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah et conciliez-vous entre vous. هذا الخلق الكريم يسعى فيه ذوي التقى والمروءة وذوي الأخلاق الكريمة الذين يبتغون بسعيهم مرضاة الله عز وجل فهم يخلصون لله في هذا العمل لذلك يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. إذن من خلال هذه الآية الكريمة التناجي بين الاثنين أو أكثر إذا كان هدف هذا التناجي أن يأمر بالصدقة والإحسان بين العباد وأن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو إصلاح بين الناس فذلك النجوى المباركة. ثم قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما أي من يفعل هذه الأعمال يبتغي بها وجه الله لا يريد بها جاها لا يريد بها جاها في الدنيا ولا مكانا في المجتمع أو أن ينظر إليه بأنه رجل الإصلاح والتوفيق لا يريد ثناء الناس إنما يبتغي بعمله وجه الله عز وجل فالله عز وجل يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الإصلاح بين المتنازعين صدقة منكم على أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يصبح كل على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، أو أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذن فإصلاحك بين الناس صدقة منك على نفسك، فاحرص عليها وفقك الله للخير. وكما سبق النزاع يقع بين الأفراد وبين الجماعة، والنزاع بين الجماعة يسعى ذو التقى في الإصلاح بينهم. لذلك يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأمر الله عز وجل في هذه الآيات بالإصلاح بين جماعة المسلمين، وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن يكون صلحنا صلح عذل لا ظلم ولا جور. فلا يقصد المصلح بصلحه نفع فئة والإضرار بالأخرى، وإنما يعدل في إصلاحه، فيوفق بين وجهات النظر، ويحاول التقريب والتسديد ما وجد لذلك سبيلا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que ce comportement noble qui est de réconcilier entre ses frères musulmans est un comportement dont est doté celui qui fait preuve de piété. Ceux qui agissent ainsi en espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avant tout le font pour la face d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal dit dans son noble livre: il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une aumône, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et celui qui agit ainsi en recherchant la satisfaction d'Allah, alors nous lui donnerons une immense récompense. Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset que le fait d'avoir des discussions secrètes entre deux personnes, que la plupart de ces discussions secrètes sont mauvaises, sauf pour celui qui recherche dans cette conversation secrète d'ordonner l'aumône, d'ordonner la bienfaisance entre les serviteurs d'Allah, d'ordonner le bien, d'interdire le mal ou de réconcilier entre les gens. Puis Allah Azza wa Jal de conclure ce verset en disant: et celui qui agit ainsi en recherchant la satisfaction d'Allah, alors nous lui donnerons une immense récompense. Celui qui agit et qui met en œuvre tous ces actes cités dans ce verset en recherchant la face d'Allah Azza wa Jal, il ne veut dans cela aucun profit mondain, il ne recherche dans cela aucune place dans la société. Il ne veut pas à travers ses actes que l'on dise que cet homme est un homme vaillant qui fait en sorte de réconcilier entre les gens. Il ne recherche à travers cela aucune reconnaissance ni aucune louange des gens. Mais il recherche à travers cette réconciliation, entre autres, la face d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal lui promet une immense récompense. Sachez également que le fait d'œuvrer dans la réconciliation entre les musulmans est une aumône que tu fais à toi-même. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim que chaque matin, l'être humain est redevable d'une aumône à chacune de ses articulations. Et le fait de réconcilier entre deux personnes, le fait de faire justice entre deux personnes est une aumône. Le fait d'aider un homme de monter sur sa monture, et le fait de lever la marchandise pour qu'il puisse la placer sur sa monture est une aumône. Le fait d'ordonner un bien est une aumône. D'interdire un mal est une aumône. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu agis dans le sens de la réconciliation entre les musulmans, ceci est un bien que tu apportes, mais c'est également une aumône que tu fais à ta propre personne. Puis sachez, comme nous l'avons dit précédemment, que les discordes, les divergences et les malentendus peuvent exister entre des personnes, entre des individus, mais également entre des groupes d'individus. Et celui qui agit dans le sens de réconcilier et de faire en sorte qu'il y ait une entente cordiale entre des groupes de musulmans, cela, Allah Azza wa Jal nous encourage et nous ordonne à le faire. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans ces versets de réconcilier entre des groupes de musulmans. Et il nous enjoint, subhanahu wa ta'ala, à ce que la réconciliation soit une réconciliation basée sur la justice, non pas une réconciliation qui offense une partie vis-à-vis de l'autre. Celui qui réconcilie entre deux groupes de musulmans, il ne recherche pas à travers cette réconciliation d'apporter un bénéfice à un groupe et de porter un préjudice à l'autre. Non, il doit être juste dans sa réconciliation et il doit faire en sorte de réunir autant que possible les deux avis qui se divergent et qui se contredisent. أيها المسلمون قد أمرنا الله عز وجل أن نصلح بين الزوجين إذا تنازعا قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فالإصلاح بين الزوجين يقوم به الأهل أهل المرأة وأهل الرجل يسعون في الإصلاح بين الزوجين وينظرون أسباب الخلاف والنزاع فيسعون في الإصلاح بينهما ما أمكن ذلك فهو خير من وقوف كل مع صاحبه وتعصبه لرأيه هذا أمر غير مطلوب أما المطلوب هو الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما ومحاولة إزالة أسباب النزاع ووعظهما وتذكيرهما حتى يرجع إلى الحق ويعود إلى الصواب نزاع يقع أحيانا بين الرحم وإذا استمر ذلك النزاع أدى إلى قطيعة الأرحام وبعد بعضهم عن بعض والشيطان حريص على هذا الأمر العظيم لأن قطيعة الرحم أمر يسخطه الله عز وجل قال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فالمسلم إذن يسعى بين أفراد الرحم عندما تبدو ظاهرة النزاع والشقاق فيصلح بين الرحم ويوفق بينهم ويذكرهم صلة الرحم وما لها عند الله من الثواب ويأمر الجميع بالصبر والتحمل وعدم اللجوج في النزاع ولا سيما في الأمور المادية التافهة فيحذرهم من قطيعة الرحم ويسعى بالتوفيق ويقرب بينهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. Chers musulmans et musulmanes, Allah Azza wa Jal nous ordonne de réconcilier entre les époux lorsqu'ils sont en discorde et en désaccord. Il dit à Azawajal son innocence. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Et il dit à Azawajal dans l'autre verset de Sourate An-Nisa, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux, c'est-à-dire si les deux époux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Ainsi, de réconcilier entre les époux est une tâche à laquelle doit s'adonner les différentes familles, la famille du mari et la famille de l'épouse. Ils doivent ensemble agir dans le sens de réconcilier entre les deux époux. Et ils doivent regarder les causes de la divergence, les causes de la discorde et de la dispute. Et ils doivent essayer de trouver un terrain de réconciliation entre les deux. Cela est meilleur, c'est-à-dire la réconciliation est meilleure que le fait que chaque famille reste et soutienne celui qui est en cause. Et souvent, c'est ce que l'on constate dans les discordes entre les époux. L'on voit la famille de la femme qui soutient inconditionnellement leur fille. Et l'on voit la famille du mari qui soutient sans condition le mari. Chacun campe dans ses positions et aucun n'essaie d'œuvrer dans la réconciliation. Cela n'est pas une chose demandée en islam. L'islam nous demande de trouver un terrain d'entente, d'essayer autant que possible de réconcilier entre les époux et de les faire rappeler l'importance du mariage, l'importance des devoirs que chacun a envers l'autre, en espérant qu'il retourne à la vérité et qu'il retrouve la raison. Également, nous constatons qu'il y a de temps en temps des différends entre les mêmes membres d'une famille, entre les membres d'une même famille. Et lorsque cette divergence et cet indifférent persiste, cela amène souvent à ce que les liens de parenté soient rompus, que ces mêmes membres d'une même famille ne se parlent plus depuis des années et des années. Cela est une chose qui plaît au diable. Le fait de rompre les liens de parenté est une chose qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Puis Allah Azza wa Jal dit, ce sont ceux-là qu'Allah maudit, qu'il rend sourd, aveugle. Qu'Allah Azza wa Jal rend sourd et aveugle. Ainsi, le musulman s'efforce, lorsqu'il constate qu'il y a un différend entre les membres d'une seule et même famille, de s'empresser à les réconcilier dans les débuts de cet indifférent, d'essayer de trouver une solution, de trouver un terrain de réconciliation entre ces membres d'une même famille, de les faire rappeler l'importance du lien de parenté et l'immense récompense auprès d'Allah Azza wa Jal pour celui qui préserve et entretient ce lien de parenté. Il doit, celui qui recherche la réconciliation, ordonner les uns et les autres de patienter sur les défauts des uns et des autres lorsque cela est permis par la religion. Et il doit les mettre en garde contre le fait de rompre les liens de parenté. Il doit utiliser autant que possible les moyens qui permettront à une réconciliation finale. ثم اعلموا اعلم ايها المسلم ان سعيك في الاصلاح بين المتخاصمين ولا سيما الرحم خلق كريم وصدقه وعمل صالح. وفي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو أفضل من درجة الصوم والصدقة والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فالساعون في الإصلاح هم في صدقة وعمل صالح في أقوالهم وأعمالهم، إن علم الله منهم حسن النية وإخلاص العمل لله. Puissez, chers musulmans et musulmanes, que la divergence peut également avoir lieu entre deux frères qui ne sont pas d'une même famille, mais que l'islam a réunis. La fraternité de l'islam les réunit. Ces personnes également, le musulman se doit de réconcilier entre eux autant que possible, car cela est un noble caractère. Et ce à quoi nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Celui qui agit dans le sens de la réconciliation entre les musulmans, non seulement il est doté d'un immense comportement et d'un immense caractère, mais en plus, il fait une aumône et, ajouté à cela, il fait un acte vertueux. Dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en disant: voulez-vous que je vous informe d'une chose qui est meilleure que le degré du jeûne, de l'aumône et de la prière? Ils ont dit: bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: de réconcilier entre deux personnes. Car le fait que la relation entre deux musulmans soit détériorée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cela comme un rasage. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: et je ne dis pas que cela rase les cheveux, mais cela rase la religion. Hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. تقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا تزاحموا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، ولما كان الإصلاح عملا صالحا يحبه الله، أباح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بالكذب لأجل الإصلاح بين الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فليس هذا بكذاب إذا كذب كذبة يريد بها الإصلاح بين المتنازعين ولا سيما الرحم، ويذكر لهذا حب هذا له وموالاته له وكراهيته لذاك النزاع، ويلقي على الآخر كذلك، فتلك كذبة في مصلحة ولأجل عمل طيب، فأبيح الكذب في ذلك. وفي لفظ كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه أن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاثة: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. Chers musulmans et musulmanes, parce que le fait de réconcilier entre les musulmans est une noble tâche qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé d'user du mensonge dans le but de réconcilier entre les musulmans. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas menteur celui qui réconcilie entre les gens en disant un bien ou en faisant croire un bien. Ainsi, il n'est pas menteur celui qui ment un mensonge dans lequel il veut réconciliation entre deux musulmans fâchés. Il cite à l'un l'amour que lui porte l'autre et le fait qu'il déteste cette situation. Et il dit la même chose à l'autre en disant que l'autre éprouve de l'amour vis-à-vis de lui et que lui aussi déteste cette situation. Ce mensonge est utilisé dans la réconciliation entre les gens. C'est un mensonge autorisé. Et dans un autre hadith, Umm Kulthum radiyallahu anha a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser ce que les gens disent, c'est-à-dire le mensonge, sauf dans trois cas. En temps de guerre, lorsqu'il y a une réconciliation entre les gens et les éloges que fait l'homme envers son épouse et l'épouse envers son mari. Ayyuha al-Muslim, fala ta'jaz 'an al-islah wa la taqul lin-nas wa sha'nahum wa kullun yuslihu nafsahu wa kullun yudafi'u 'an haqqihi bal al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhum izra ba'd wa yuwasi ba'dhuhum ba'dha ويتألم بعضهم لألم البعض. Et sachez également que les savants autorisent, lorsqu'il s'agit de réconciliation entre des groupes de musulmans, que le réconciliateur a le droit de s'endetter. Le réconciliateur a le droit de s'endetter pour que la réconciliation ait lieu. S'il y a un différend financier entre deux groupes de musulmans et que le seul moyen de résoudre est de donner une partie de l'argent au groupe qui conteste, même si cela amène à ce que le réconciliateur s'endette, il lui est autorisé de s'endetter dans ce cas-là. Et l'islam lui permet d'être remboursé de cette dette qu'il a posé sur ses épaules de l'argent de la zakat. Le gouverneur musulman a le droit de rembourser la dette de ce réconciliateur en prenant l'argent de la zakat. Car parmi les 8 catégories de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, il y a al-gharimin, les endettés. Ceux qui sont endettés malgré eux ou ceux qui sont endettés de façon consciente et de façon volontaire, et entre dans ce cas le réconciliateur qui s'est vu attitrer une dette dans le but de réconcilier entre les gens. Chers musulmans et musulmanes, ne sois pas pris de lassitude lorsque tu agis dans la réconciliation entre les gens et ne dis pas « je préfère les laisser comme ils le sont ». Que chacun se réconcilie avec l'autre. Que chacun défende ses droits. Le musulman ne raisonne pas ainsi. Le croyant est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de l'autre croyant, comme un édifice qui se soutient, dont les parties de l'édifice se soutiennent les unes les autres. Nasallallahu azza wa jal, an yusliha dhata baynina, wa an yuwallifa bayna qulubina. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين